UFM à Mons sur le 106.9. Bonjour à tous, bon dimanche, il est 16h, vous êtes bien sur UFM 106.9 pour les habitants de Mons et UFM.be pour le reste de la planète. Vous êtes bien dans Experiments, votre émission dédiée aux musiques les plus étranges et les plus aventureuses, animée et programmée par Raoul Piuk et Nico Deck. Nico qui va nous rejoindre dans un instant et on va attaquer tout de suite avec le début de notre sélection du jour. Ce sera d'abord un morceau de l'artiste français Bruno Laborde alias Normotone, qui va sortir le 1er août prochain son nouvel album Iraed sous le label Unknown Pleasure Records. Alors c'est un projet solo électronique qui avait sorti un premier album en 2011, In World Structures, qui déjà à l'époque n'était pas un véritable album solo. En fait, il avait invité de nombreux collaborateurs et c'est à nouveau le cas sur ce disque-ci, où on retrouve Corinne Anenufar du groupe Ghost Actor, Usher San de Black Egg, Sonny Carea, Pedro de HIV+. Et on enchaînera avec Uniform, un duo basé à Brooklyn, à ne pas confondre avec le groupe anglais du même nom. Un duo de Brooklyn donc composé de Ben Greenberg et de Michael Berdan, aussi bien influencé par Suicide que Godflesh au niveau des guitares. Ils en sont leur premier album en vinyle après une unique release de titres. Et c'est sorti chez 12XU, ça s'intitule Perfect World. C'est parti. Thank you. We'll be right back. Et voilà, c'était Uniform, et Nikodek, mon comparse de Jihad Sonore, vient de nous rejoindre. Oh yeah! We'll be right back.

Thank you. Experiments. Voilà, vous êtes toujours dans Experiments sur UFM. Désolé pour le petit pain technique de tout à l'heure, on avait un micro qui ne fonctionnait pas. On va tester maintenant si, Nicodec, tu t'entends bien? Oui, maintenant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ok, alors on peut reprendre, on va vous faire une petite présentation des morceaux qui viennent d'être diffusés. On avait Eric Truffat, célèbre trompettiste jazz d'origine suisse, en collaboration avec le musicien électronique mexicain Murkoff. Le morceau s'intitulait Chaos et c'était un extrait de leur dernier album Being Human Being, un album dont l'artwork a entièrement été réalisé par le BDiste originaire de Belgrade, Enki Bilal, qui s'est également prêté au jeu de prestations live de concerts du groupe durant lesquels il projetait des images issues de cet artwork sur un écran géant. C'était assez impressionnant à voir. Et juste après ça, nous avions Two Lone Swordsmen, le duo composé de Andrew Weatherwall et Keith Tenniswood, un extrait de leur album From the Double Gun Chapel, sorti en 2004 chez le légendaire label Warp Records. Le morceau s'intitulait Test of Our Flames, et en invité à la voix sur ce morceau, nous avions Nina Walsh, une chanteuse et musicienne très talentueuse avec qui je suis en contact depuis peu, donc nous aurons certainement des travaux plus récents à vous diffuser prochainement dans Experiments. Nico, il y a aussi des morceaux de ta sélection qui sont passés à l'instant. Oui, donc en tout dernier, on avait Cactus Truck avec le morceau One for Roy sur l'album 16h Play Palace. Et alors c'est un groupe qui est basé à Amsterdam et bah, le groupe joue un Techno Prisoners, une marque de haute énergie du free jazz fortement influencée par les goûts de Albert Ehler et Peter Brotzmann. Alors ils ont auto-publié un CDR éponyme en 2011 suivi d'une cassette de presse avec Terry X et sur également le label public iShore. À la fin d'octobre, mi-décembre de cette année, ils ont pris d'assaut les États-Unis avec une gigantesque tournée de 37 dates qui a vu le trio déchirer à travers le pays jusqu'à la côte est d'Atlanta à Boston, en bas de la côte ouest de Seattle à Los Angeles et enfin se frayant leur chemin de retour à l'est pour 3 dates définitives à New York avec des collaborations aussi avec Jeb Bishop et le trompettiste Roy Campbell. Et après, on a écouté... et avant, c'était Colin Webster et Graham Dunning avec Coif sur Estigate, label Linear Obsessional Recordings. Alors là, on a Colin Webster qui est au saxophone et Graham Dunning qui est un artiste expérimental vivant et travaillant à Londres, qui utilise des bandes, des vinyles, des enregistrements de terrain et de l'électronique fait maison pour faire du son dans une variété de genres. Et maintenant, nous allons passer à Dame Suzuki et Mugstar avec Inoue, avec de l'album Start From Zero sur le label Important Records. Donc pour ce qui est d'Amo Suzuki, c'est un chanteur japonais qu'on a plus connu comme étant membre de Can. Et les autres, c'est un groupe de rock psychédélique formé à Liverpool en 2003. We'll be right back. that's great. Thank you very much. Great. Thank you. Experiments. Oh yeah. Yeah. have one simple request, and that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Voilà, Experiments, nous sommes toujours à l'antenne sur UFM 106.9, UFM.be pour le reste de la planète, hormis Mons. On vient de s'écouter un morceau de Sanet, un trio de post-rock, post-metal basé à Brooklyn, fondé en 2010, et qui avait sorti cet album-ci, Non Flood, en 2013, sous l'excellent label gantois Concerning Sounds, label fondé par Mike Kersbilk, qui se spécialise dans essentiellement le doom metal et le post-rock. L'un de leurs groupes les plus connus en ce moment est Amenra, excellent groupe de doom flamand qu'on aura certainement l'occasion de vous passer par la suite. Et voilà donc ce morceau de Sanet s'intitulait Invisible Ones Memory Barge. Juste avant ça, c'était l'hallucinant accordéoniste bordel de merde finlandais Kimmo Pojonen. Un extrait d'un album déjà ancien, sorti en 2002, intitulé Cluster, sorti chez Rockalio Records, et les morceaux s'intitulaient Ohimo, ce qui signifie temple en finnois. Oui, j'ai appris à parler le finnois exprès pour animer cette émission. Kimmo Pojonen, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un accordéoniste complètement atypique qui utilise un accordéon customisé grâce auquel il peut piloter des instruments électroniques via MIDI. Il utilise également un looper, il propose des prestations live assez spectaculaires qui combinent des combats de lutteurs et des concerts d'accordéon. Ça vaut vraiment le détour, je vous encourage à tenter d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Et donc maintenant on va passer à Def Shanties. Étant à Mons, on va écouter le morceau Oh Where Is Saint-Georges. Et alors c'est sorti sur l'album Craps, label Bomb Shops en 2014. Alors on retrouve Sibren Renema au saxophone alto et baryton, Alex Nelson à la batterie et Lucy Stein qui s'occupe des projections et de peinture lors des lives et en même temps de la voix. Alors voici Death Shanties. Experiments. Kind of fever, so besotted by your son's unresting stroke. Professor, driving like a piston in and out, hour after hour. It wasn't till the sun drew in that their gaze turned away. Not to the crimson sunset, but the blaze coming from our hotel, again in sight between the tall pines. It outblazed the sky. One wing was burning and the people rushed to the ship's prow to stare at it in horror. So, pulling me upon him without warning, your son impaled me. It was so sweet, I screamed, but no one heard me, for the other screams, body after body fell or leapt from upper stories of the White Hotel. I jerked and jerked until his prick released its cool, soft flood. Charred bodies hung from trees. He grew erect again. Again I lunged. Oh, I can't tell you how a rupture gushed. The wing was gutted. Through our opened curtain, kindling our stillborn sheep. Or, smoking was forbidden, the maids, tired out, lighting up and drowsing on the strong burning glass of the melting mountain. I couldn't sleep that night, I was so sore. I think something inside me had been torn. Your son was tender to me, deep in me all night, but without moving. Women keyed out on the terrace where the bodies lay. I don't know if you know the scarlet pain of women, but I felt the shivers spread hour after hour as the calm waves sent dark ripples to the shore. By dawn, we had not moved back or slept. Asleep at last, I was the Magdalene, a figurehead plunging in deep seas. I was impaled upon a swordfish and I drank the gale. My wooden skin carved up by time, the wind of ice grows where the northern lights begin. The ice was soft at first, a wail you moaned. A lullaby to my corset, a thin bone, I couldn't tell the wind from the lament of whales. A hump of white birds without end. gradually it was the ice itself cut into me. When we were an icebreaker, a breast was sheared away. I felt forsaken. I gave birth to a wooden embryo. Its gaping lips were sucking at the snow as it whirled away into the storm. Now turning inside out, the blizzard tore my womb clean out. I saw it spin into the whiteness. Have you seen a flying womb? You can't imagine the relief it was to wake and find the sun, already hot, stroking the furniture with a serene light, and your son watching me tenderly. I was so happy both my breasts were there and leapt out to the balcony. Dass wir es gewiss nennen, ist eigentlich nicht entgegnet. Und wer nicht stein, ist mein eigenes Leben. Da ist nicht weit alles zu, das ist ja nicht so normal. Wir haben mich sehens, werden stier sein. Und wir fröhlich handeln. Und das Kriegel dann zu uns dafür. Hat mir alle gesagt. Gesetzt. Und da unten hereingestellt und sumpfig gemacht dafür. Willst du nicht mein Ram ins Ab sein? Kannst du nicht mehr immer meinen Vögel sein? Muss mir immer daran sein und wir braten. Fleißig wie dünn, dünn Schlag, Schlagzeug. Immer angefunden und abgebraucht werden. Du bist mein Süßer. Immer im Raum der Keller. Vous êtes un rhétoricien redoutable, vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Experiment. Alors, on écoutait donc Félix Cubin et Coolhaven avec le morceau Keller Gebet sur l'album Soupe Furdinact sur l'album, sur le label Korm Plastics sorti en 2006. Pour ce qui est Félix Cubin, c'est un artiste allemand de pop électronique qui vit et travaille contre la gravité avec Shifi Pop, Noise, Animation Films, Radio Plays, Experimental Radio Fusion. Il est comme le messager de poumons explosant. Et il a commencé son label Gagarin Records en 1998 et dirige le syndicat de Contrebruit depuis le 9 du 9 1999. Et sa musique, au-delà de ses œuvres électroacoustiques dans le cadre du duo Klein Krieg, reflète une admiration pour la musique électronique allemande des 80s, de Kraftwerk, d'Airplan, Palais Schomburg et la Neue Deutsche Welle ou la Nouvelle Vague allemande. Et alors Coolhaven, c'est un groupe basé sur le principe des diabétiques. Leur musique est inspirée par la perturbation de l'équilibre entre les énergies centrifuges et centripète. La première et la dernière chose Coolhaven est à une sorte de concept ou une idée sur la façon dont les bruits qu'ils font doivent sonner. Ils pensent que l'idée de faire de la bonne musique est obsolète. Ils pourraient avoir de l'improvisation absolument totalement composée, impliquée ou mal jouée, du blues polka tribal néerlandais. Et leurs premiers enregistrements sonnent comme une sorte de lofi ambiante techno et de l'Ouest. Et au début de 2003, ils sortent leur premier album Bleu Moustache, inspiré par la musique électronique et générateur de conneries et de trapèzes volants. Et en ce moment, leur intérêt est établi plus dans le domaine de l'exploitation des genres. Leurs projets récents comprennent quelque chose appelé Stromblock Fantasien, avec des paroles allemandes par David Hasselhoff et visuels par Martin van Boven. Une collaboration avec Félix Cubin, donc, que nous avons entendu, et une autre façon étrange et inventive de la soupe des mots et des sons. En parlant de David Hasselhoff, je vous recommande son dernier morceau, The True Survivor, qui fait partie de la bande-son de l'excellent moyen-métrage Kung Fury, qui est récemment sorti suite au succès de leur crowdfunding. Un film hommage au cinéma d'action des années 80, complètement déjanté, jubilatoire, et David Hasselhoff y trouve tout à fait sa place en tant que légendaire interprète de Knight Rider et de Baywatch. On va demander son avis à Thierry Ardisson. Ouais. Effectivement, il est d'accord. Alors, on va enchaîner avec quelque chose aux antipodes de ce côté arty et recherche de son. On enchaîne avec du rock qui tape avec le groupe Le Butcherette, un groupe signé sous l'excellent label IPK Recordings, et avec un extrait de leur album Cry Is For The Flies, sorti en 2014. Le morceau s'intitule Your Weakness Gives Me Life, et Le Butcherette, c'est un trio, power trio de rock à l'ancienne avec une voix féminine qui on voit bien, ça se passe de commentaires. Et on enchaînera avec Fuzz, Fuzz qui n'est autre que l'un des projets de l'excellent Ty Segall, où il est ici à la voix et à la batterie, en collaboration avec un guitariste et bassiste. Le morceau s'intitule Raise et est issu de leur unique album pour l'instant, album éponyme Fuzz, sorti en 2013, chez In The Red Recordings. C'est parti. Experiments. Thank you. Oh yeah! Experiment! Place maintenant à Girl Band avec le morceau Low Man sur leur EP The Early Years sur Wolf Street en 2015. C'est un groupe de Dublin qui a été formé en 2011. Alors ils assènent une musique noise, post-punk, no wave avec un style certain. Après une année 2014 marquée par une première tournée en Europe et la sortie des singles Low Man et de Bomb Bomb, les quatre Irlandais ont officialisé leur signature chez Wolf Street Records et un album est prévu en automne. En attendant, on pourra les voir le 7 août au Micro Festival à Liège, le 20 octobre au Botanique et le 21 au De Kroon. N'est-ce pas? yeah! Experiment! Vous êtes toujours sur UFM au 106.9 avec l'émission Experiments. On écoutait donc le groupe Gnod avec le morceau Breaking the X sur l'album Infinity Machines sur le label Rocket Recordings et c'est sorti ici en avril 2015. Gnod est un groupe formé en 2007 comme un collectif d'improvisation basé à Manchester. Ce jour, ils ont réalisé plus de 20 enregistrements, plus ou moins. Compris Science Industry sur le label Not Nothing, Shodland sur Tame Records, Ignot Retrust et Ignot Dropout avec White Hill Stew sur Rocket Recordings. Et ils ont acquis un culte sur la scène en live dans des lieux sales et des espaces de clubs sombres de toute l'Europe. Avec un esprit de flexion, des spectacles secouant les intestins. Et le groupe a également lancé leur propre label de cassettes Tesla et cofondé un club de nuit d'expérimental électro, le Gesamtkunstwerk. Un club de nuit. La traduction Google de nightclub, c'est club de nuit. Voilà. On en apprend tous les jours. Alors on va enchaîner avec un autre excellent projet électronique solo, Damage Bug, avec le morceau Half an Airplane, issu du premier album Hubba Bubba, sorti en 2014 et suivi presque aussitôt par un autre album que je ne possède malheureusement pas encore, mais dont on aura certainement l'occasion de vous diffuser un extrait prochainement. Alors Damage Bug, qui est, c'est le projet solo parallèle de John Dwyer du groupe TOCs, excellent groupe rock de San Francisco, excellent guitariste et producteur et cofondateur du label Castleface, sous lequel cet album de Damage Bug est sorti, évidemment. Et ensuite, on enchaînera, une fois n'est pas coutume, avec un morceau plutôt soft, un morceau de Mazzy Star, qui était un groupe de pop-rock à voix féminine des années 90. Alors non, je ne suis pas nostalgique de cette décennie, de ces look-ups cons, de l'époque où MTV diffusait de la musique, ni de ces jeux vidéo archaïques. Simplement, j'aime bien ce groupe. Et j'ai envie de vous passer ce morceau Look On Down and From the Bridge, issu de l'album Among My Swans, sorti en 96. Et une époque où on avait les longs cheveux. Certains d'entre nous, oui, pas tous. Et pourquoi ce morceau ? Parce que j'ai eu l'occasion de le redécouvrir récemment dans l'excellent cartoon Rick and Morty, un cartoon pour adultes, ne laissez pas vos enfants regarder ça. Mais voilà, ce morceau faisait office de générique d'un des épisodes particulièrement trash de la première saison. Je vous recommande donc chaudement à la fois le cartoon et le groupe. C'est parti. Burns. Maintenant, place à Hans Stammen avec le morceau Spiracles sur la compile I Never Met a Guitar 2 sur le label Clean Feed dans la série Guitar Series Volume 6 en 2012 et produit par le talentueux Elliot Sharp. Alors, Hans Tamen est originaire d'Allemagne mais il vit maintenant à New York et il se produit avec une large collection de préparations mécaniques sur ses guitares, de performances spécifiques au lieu où il se présente et des efforts de collaboration avec la danse, des actions de lumière ou d'autres formes d'art, et il travaille avec divers ensembles de grande taille et en tant que soliste. Et nous serons ensuite avec Noy avec le morceau Wilson Sea. Alors, après ces deux morceaux, il sera malheureusement déjà bientôt l'heure de nous quitter. Alors, je vous propose de clôturer avec une dernière track, un morceau de Ween, l'un des groupes les plus barrés, les plus étranges, de nouveau des années 80 et 90. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je reste bloqué sur le passé. Ween avait sorti en 91 cet album intitulé The Pod, dont on vous passera l'extrait de Stallion Part 2. Et il sera ensuite l'heure de céder la place à Balou et son équipe pour leur émission Radioactivity, qui sera aujourd'hui consacré au thème particulier de la reproduction des castors lapons. Alors nous vous disons au revoir pour aujourd'hui et vous donnons rendez-vous à nouveau le deuxième dimanche du mois en août. De nouveau le dimanche de 16 à 18h pour ne pas déroger à la règle. Merci à Nicodec pour sa sélection et ses interventions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à UFM de nous donner l'occasion de passer ces musiques improbables à l'antenne. Et à bientôt, au revoir à tous. Bye. Au revoir. Thank you. Thank you. Experiments. Sur le 106.9.